Jean-Baptiste Lully par Eugénie Foix. Chapitre 1er. Le petit joueur de violon. Un carrosse aux armes de la maison de Guise, escorté par une troupe nombreuse de cavaliers, de pages et de valets à cheval, vint s'arrêter par une belle après-dînée du mois de mai 1646 devant la superbe auberge del Santo Spirito à Florence. « Place pour monsieur de Guise !» criaient les cavaliers. Puis, à grands coups de cravache distribués à gauche et à droite, ils éloignaient les curieux attirés par l'élégance de l'équipage et la bonne mine de celui qu'ils renfermaient. « Un appartement pour monsieur de Guise !» disaient les valets en se précipitant en tumulte dans l'auberge. « À souper, et tout ce que vous avez de plus fin, de plus délicat, pour monseigneur de Guise !» ajoutaient les pages en se répandant dans les cuisines et les offices. Pendant ce temps, celui pour qui tout ce bruit se faisait descendait, calme et beau, de son carrosse armorié. « Dépêchez-vous, maintenant !»« Monseigneur de Guise est pressé !» répétaient à l'envi les cavaliers, les pages et les valets, en culbutant et rudoyant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. « Eh, Sainte Vierge, on y va !» répondait l'hôtesse, faisant force révérence au prince et oubliant de donner des ordres, étourdie qu'elle était de tout ce brouhaha si nouveau pour elle. « Son Excellence veut-elle entrer ? » ajoutait-elle entre chaque révérence. Monseigneur de Guise nous fait infiniment d'honneur en choisissant notre auberge, et il sera satisfait, je l'espère, ajoutait son mari, ôtant son bonnet de coton et s'inclinant jusqu'à terre. Il sera servi dans l'instant. Son Altesse veut-elle me suivre? Répétait-il sans relever son corps plié en deux. Voyant tant d'empressement de la part de la femme et tant de respect du côté du mari, les marmitons émerveillés, au lieu de courir au fourneau, s'aggloméraient en extase aux portes des offices et aux fenêtres de l'hôtel. Mais les gens du prince les mirent bientôt en mouvement. Monseigneur de Guise, qui causait ce tapage, spectateur impassible de tout ce qui se passait autour de lui, relevait sa belle tête blonde, noble et fière, sur cette foule qu'elle dominait, et ses beaux yeux bleus semblaient songer ailleurs, tandis que sa bouche gracieuse, bien qu'un peu dédaigneuse, souriait imperceptiblement. On était à cette heure de la journée où le jour n'a pas encore fait place à la nuit. Le soleil, en disparaissant de l'horizon, répandait sur la terre une teinte adoucie. La chaleur avait été étouffante, et une brise légère qui se levait et venait du côté de la mer en passant par-dessus des jardins fleuris, d'où elle apportait les plus suaves émanations, éloignait le désir d'aller se renfermer dans les appartements. « Je reste ici jusqu'à ce que le souper soit prêt, » répondit le prince. Puis, apercevant un banc de pierre sous ce vestibule italien, composé de deux rangées de colonnades et de vignes rampantes, il s'assit. Peu à peu, tout le monde rentra, les uns pour donner des ordres, les autres pour les exécuter, et le duc de Guise resta seul, ou du moins il le crut. Les yeux fixés sur ce bel horizon, dont les beautés se massaient dans les demi-teintes du crépuscule, le duc tomba peu à peu dans une douce rêverie. Il revenait de Rome, où il était allé pour faire rompre son mariage avec Honorée de Berg, veuve du comte de Bossu, qui ne fut déclaré nul que 3 ans plus tard, et il pensait dans ce moment à Mademoiselle de Pons, qu'il désirait épouser. Tout entier à ses dernières et charmantes pensées, il avait oublié et le lieu où il se trouvait, et cette belle et molle nature qui semblait s'endormir à ses pieds, lorsque les sons d'un violon, filés d'une main légère et intelligente, vinrent frapper son oreille. Agréablement surpris et réellement charmé de la douceur et de la pureté de ses sons, le prince chercha des yeux le virtuose. Il ne tarda pas à découvrir, non loin de lui, assis sur la première marche du vestibule, un tout jeune enfant qui, dans une attitude gracieuse et nonchalante, semblait faire jouer son archet sur un violon et en tirait, de moment à autre, des accords à faire envie à un maestro. Bientôt l'attention du prince commanda celle du petit joueur de violon, qui, se voyant l'objet d'un regard, se releva. On aurait dit que lui, son violon, son archet, reprenait une nouvelle vie en s'animant sous ce regard. Et cet enfant se mit à jouer d'une manière merveilleuse. « Que joues-tu là, petit ?» lui demanda le duc de Guise en lui faisant signe d'approcher. « Ce qui me vient à l'idée, Altesse, » répondit le petit. « Tu sais donc la musique ?»« Un peu. » »« Qui te l'a enseigné ?»« Mon père, quand il vivait, Excellence. » »« Et depuis ?»« Personne, Excellence. » »« Depuis quand ton père est-il mort ?»« Il y a bientôt 3 ans, Excellence. » »« Que fait ta mère ?»« Poverina. Elle est allée rejoindre mon père dans l'autre monde. » « Qui prend soin de toi, donc ?»« Le bon Dieu, Excellence, » répondit le petit Florentin d'un accent profond. De quoi vis-tu, pauvre petit ? De mon violon, Excellence. Je joue à la porte des palais pour divertir les domestiques. Quand ils sont contents, ils me donnent à dîner. De leur reste, mais c'est bon tout de même. C'est la première fois aujourd'hui que je joue devant une auberge. Aussi, je ne jouais pas, je badinais. Toutefois, quand j'ai vu votre Excellence me regarder, par Notre-Dame de Bon Secours, cela m'a réveillé, et ma foi, j'ai joué. Et parfaitement, cher enfant, tu peux t'en flatter, dit le prince, ému autant des réponses naïves de ce petit que de sa douce et mignonne figure. Quel âge as-tu ? Je ne sais pas trop, Excellence. Quoi ? Tu ne sais pas à quelle époque tu es né ? Oh, pardonnez-moi. Je suis venu au monde en 1633. Ma pauvre mère me l'a assez souvent répété. Cela fait 13 ans, dit le prince en calculant. Cela se peut, Altesse. Je n'ai jamais compté. Et puis il faut dire aussi que je ne sais pas aller plus loin que 5. C'est dommage que cet enfant ne soit pas à Paris. Il ferait fortune, observa le prince en se parlant à lui-même. Si je le croyais, j'irais bien, dit l'enfant qui avait écouté ces paroles. C'est trop loin, lui dit le prince. Et comme, dans cet instant, on vint avertir le prince qu'il était servi, il se leva, fouilla dans la poche de sa veste, y prit une pièce et la jeta au petit joueur de violon en passant devant lui. Puis, lui faisant un petit signe de protection, il entra dans l'hôtel. Après le départ du prince, le petit joueur de violon resta un moment tout étourdi. Ces mots, « C'est dommage que cet enfant ne soit pas à Paris, il y ferait fortune », bourdonnaient à ses oreilles, comme une chose qui stimulait sa curiosité et éveillait son ambition. « J'y ferai fortune », se disait-il, rêveur, « fortune. C'est sans doute ne jouer de violon que lorsque cela plaît. Et à qui cela plaît ?»« Bon, » ajouta-t-il en sautant. « Il me plaît toujours de jouer, et tout le monde me plaît. Ce n'est pas la peine d'aller chercher sa fortune si loin. » En achevant ses mots et sa pirouette, le petit Florentin se baissa pour ramasser l'aumône du prince. C'était une pièce d'or à l'effigie de Louis XIV. Le petit resta interdit avec cette pièce dans la main. Il ne lui vint pas à l'idée qu'on eût voulu lui donner autant d'argent. « Sûrement l'Excellence se sera trompé, et je ne dois pas profiter de cette distraction. » Puis, sans autre réflexion, il se précipita dans l'intérieur de l'auberge.